On le fait si c'est nécessaire. Chez nous quand les poches sont tristes, nous c'est le problème tu sais. Ramène le casse du siècle et comme Trevor j'suis cash complice. Y'a pas d'anneau, pas double R, mais même en paillole ton cœur on le brise. Scam, toujours dans mauvais bis. On ira nulle part, c'est ce qu'ils nous disent. Pour les bêtises et les machins, comme le gicro j'suis une machine. Automatique, les métaux c'est pas du plastique. On entend pas le même clic. Pour les bêtises et les machins, comme le gicro j'suis une machine. Automatique, les métaux c'est pas du plastique. On entend pas le même clic. Le CG m'a classé, je te mets un chassé, direct dans le thorax. On revient du passé, les tirs sont croisés, shooter qui tabasse. La structure est paramilitaire, je terrorise la vie comme les farces. Un peu trop grossier, nique-moi ta grand-mère et ta soeur la tasse. Les couteaux et portières sont papillons, nos putes et nos voitures sont maquillées. French connexion, héroïne de Saigon, ma carrosserie et son teint sont matifiés. Les placements et la drogue nous tarifons. Guitarisé, je mets la recette du crack sur ma mi-ton. C'est le deuxième volet très organisé. C'est la crise au mic, mec. Quand tu vois pas loin, si tu vises la lune. Ils sont tous matrixés pour une mauvaise parole, ça te s'allume. Ils ont fait des petits groupes entre eux, mais t'inquiète, ils m'ont pas eu. Ils m'ont pas eu. J'ai pas touché la bourre, j'ai pas touché. Faut les couiller le courant, j'ai tout coupé. Font les souris, sont pas sourds, j'ai tout coupé. Font les fouilles, sont pas fous, font que tchouper. J'ai fait que du bien, et au final, que ils me boudent. Juste le même, pour moi, les stars sont Hollywood. Wesh la famille good, avec bébé j'fume un bête au goût. Un petit BDR et brute couille, ils font semblant de se serrer les coudes. La rue n'a pas de cœur, elle peut pas aimer man, donc ça finit mal. MRS, DKR comme Nyang Pei, Jawara, Geysar, Illiman. Rappelle-moi, je suis au Pasino. Ce qui sort de moi est noir comme la Tassimo. Paifal de Marseille à tout bas. J'suis de belles sens, bug dans comme Pouga. Là j'ai mille modes sport, là j'ai enclenché. On leur casse la nuque pour les enclencer. On te braque comme Scrooge, Birmingham. Lève les mains en l'air comme Jude, Bellingham. Y'a des douilles par terre, me serre pas la main, moi j'évite la merde. C'est le bruit de la guerre, sur le pitch m'almène, sur la vie de ma mère. J'touche pas au crack ni la zip ma belle. J'aime tes bleus packs sur ma zig ma belle. Par si tu veux t'es une grande fille, mais j'te manquerai comme Anéa Anfield. La street, le studio, les tirs, les gyros qui font des va-et-vient. Les années passées, plus les mêmes joujoux qu'ils ont dans les mains. Tramés comme deux Marseillais qui font la une du Parisien. Allez viens, la misère vient de là. Proche, pas là pour parader, c'est son qui te fait les poches. La technique karaté, celui des connaisseurs, des horresseurs. Ce nom écorché par les professeurs. Catastrophé quand les cœurs s'atrophient. Ici le trophée, c'est le montant du profit. Petit, nos projets n'étaient pas d'envergure. Juste avoir les bulles d'air mariés à la virgule. Le signe de relance, c'est le verbe dans un texte. La main droite ouverte en paix sans l'index. La voix dans l'écho fait que tout le monde s'arrête. Comme quand ta mère criait par la fenêtre. Je fais ce qu'il a banalisé. Je m'en serai un coup, même pas organisé. Rien à foutre avec ma bande organisée. Pour nous c'est elle, faudra bien t'organiser. Et merci le J, je réponds à l'appel, je rentre dans la fusée, visiter l'espace. Dans ma team y'a plus d'espace. J'ai le disque plein, pas de nouveaux amis, j'ai plus d'espace. Nous c'est la causa, c'est la famille, anti-BDH. Quand le chargeur est plein, le regard est vide. Nos vies sont speed ralenti par la wheel. Petit vendre la mort, ça peut te coûter la vie. Ça va vite, comme quand tu croises ta folle en ville. La qualité fait que ma douceur comme un doudou. On fait ça en deux, tu veux fermer tes pas comme nous. Y'a des campas de CBD dans ma doudoune. Y'a des qu'il y a pas de bébé chez la nonou. La cousine a trop les canines. Elle veut se faire démonter dans la mezzanine. J'ai que des frères, moi j'ai pas confiance aux amis. Parce qu'on est depuis l'époque de Konami. Hey, moi je m'en fous de la vie d'artiste. Je l'ai connu, j'avais 17 biches. Dans le club j'étais sur la liste. Et quand je rentrais j'étais comme un riche. Saint-Antoine jusqu'au Prado. La Castellane fait pas de cadeau. Ado du ghetto en moto c'était trop. Et cogno des poutos, des couteaux dans le dos. À Marseille y'a des guerres tout le temps. Clic clic bam c'est la vendetta. Et quand t'en as plus pour longtemps, ben ça te rafale dans le tas. La street, le studio, les tirs, les gyros qui font des va-et-vient. Les années passées, plus les mêmes joujoux qu'ils ont dans les mains. Tramés comme deux Marseillais qui font la une du Parisien. Allez viens, la misère vient.